C'était le début des festivités du Grand Prix. Il y avait le cocktail hier là, où il y avait un paquet de vedettes puis quelques gros noms. Et on voulait se servir de ce cocktail-là là, pour se faire voir puis faire de la marde avec les policiers. Ce qui est assez paradoxal parce que c'est un cocktail pour une œuvre caritative. Donc, pour ramasser des sous, c'est des gros noms qui payent très cher leurs billets pour aider des fondations. Mais tu vois à quel point le fondement de ces manifestations-là est cave. Oui. C'est juste cave. Je peux pas croire que c'est des gens qui étudient, qui réfléchissent aussi peu, tu sais. Soit que notre système d'éducation a vraiment un problème puis que les diplômes valent plus rien, ou encore les gens qui organisent ces manifs de merde là, c'est pas des étudiants. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Ça a commencé donc au moment du fameux cocktail, quand un volet plus radical des manifestants se sont présentés dans ce secteur-là et ont été pris en souricière par les policiers. C'est vraiment deux rangées de policiers qui ont pris ces centaines d'étudiants-là et les ont gardés là. Puis on a procédé à quelque chose qu'on faisait pas encore à Montréal. On parle d'arrestation ciblée. On a vraiment spoté les individus là, qui étaient en train de se changer. Tu sais, on les voit à TV. Ben oui. On a les preuves visuelles live à grandeur du Québec, puis on voit des policiers qui interviennent pas, tu sais. C'est complètement ridicule. Hier, ils ont fait la job. Ils ont carrément fait la job parce que les manifestants avaient pris des parapluies pour se changer en dessous, puis ces fameux black blocs sont habitués de pitcher des affaires. Fait qu'on est allé les chercher. C'est 37 arrestations en tout qui ont été faites. Certains qui ont eu simplement une amende, dans le fond, un ticket. Puis d'autres pour qui il pourrait y avoir des accusations criminelles parce que, pour certains, on a retrouvé à l'intérieur de leur sac des projectiles, des éléments de ce genre-là. Fait qu'on n'a pas niaisé avec eux autres. Ensuite de ça, autre gang de marcheurs. Et ça, c'était la gang des tout nus, la fameuse manifestation, alors qu'il y avait presque un millier de personnes qui se promenaient, certains en sous-vêtements, d'autres carrément la bisoune à l'air. Hey, il me semble que je me trimerais un peu avant d'aller me montrer à graines ces rues de Montréal. C'est-tu une nouvelle mode ou c'est genre quand t'es de gauche, tu te rases pas? Y a-tu une convention que je connais pas? Il y a des préjugés qui disent que quand t'es dans l'extrême, droite ou gauche, t'es pas quelqu'un qui se lave souvent. Tu sais, c'est un préjugé. Oui, oui, puis tu sais, on le confirmait pas nécessairement. Mais hier, là, ceux qui se promenaient flambant, là, je sais pas. Ben, je pensais que ça pouvait être générationnel aussi. Hey. Tu sais, la génération plus vieille, les féministes, puis le rasage, ça fit pas. Une fille s'en va dans le sud, elle sait qu'elle va être en costume de bain toute la semaine, elle se prépare pendant deux semaines, elle s'en va se faire bronzer en canne une semaine avant. Moi, chez l'esthéticienne, je pense que ça t'a assez. Regarde! Hier, là, il n'y avait pas eu beaucoup de préparation, là, pour aller se promener tout nu dans les rues de Montréal. Absolument pas. Ça tombe bien lettre, les manifestants. Ça n'a pas de maudit bon sens. C'est pour ça que vous êtes frustré. Vous regardez dans le miroir, vous trouvez laide. Moi, les cute sont plutôt cachés dans la martiane. Je pense que c'est la racine de tout ça. T'sais, la frustration naît de gens laids. Ils se regardent dans le miroir, ils se trouvent laids, puis là, ben, ils veulent gâcher le fun de gens qui sont plus beaux qu'eux autres. La partie tout nue a quand même bien été, même si à certains moments, c'était dur pour l'œil. Vers 21h, on s'est plus présenté dans le coin de la place du festival parce que c'était aussi l'ouverture des francopholies hier soir. Puis à un moment donné, il a fallu qu'on procède à une coupe d'arrestation parce qu'il y a des pièces de pyrotechnie qui ont été lancées, des cônes, des projectiles envers les policiers. Fait qu'on s'est choqué. Plusieurs voitures de luxe qui ont été rayées par les manifestants. C'est dégueulasse faire des affaires de même. Ça, je trouve ça, regarde. C'est parce que les gens qui ont payé ces voitures de luxe-là, ils ont payé avec leur argent, puis ils payent des taxes, puis ils payent des impôts. Ils font rouler l'économie qui fait en sorte qu'on paye la moitié de vos études, gang de petits Chris. D'ailleurs... C'est l'expression, c'est petits Chris. Tu sais, rendu là. Des gens qui ont tout, qui s'en rendent pas compte, puis qui pensent qu'ils vivent en Palestine, sacrement.